Selon les dépêches en provenance de Séoul, le projet de révocation de Bakuni est adopté le 9 au Parlement. Sur la demande véhémente des formations civiles et sociales, des partis de l'opposition et de la population de tous les milieux, le Parlement a adopté ce jour-là ce projet qui a récolté 234 voix parmi 299. Selon la voix CBS, ce jugement politique a privé Bakuni de tous les droits de président, donc elle ne peut plus conduire les affaires d'État. Si la Cour constitutionnelle décide en définitive sa révocation dans les 6 mois, Bakuni sera destitué avant la fin de son mandat.